Elzeg, yo, Elbot, yo. C'est parti, je crois ce gars qui fait semblant de pas comprendre mon arrivage. De mon scud dans la rue. Et là c'est parti pour les fausses questions. Pourquoi t'es pas dans les bacs? Pourquoi t'es pas dans les mags? Pourquoi tu brasses tous tes scuds dans la rue? Regarde les autres, ils font du rap qui rapporte du blé. En plus ils passent à la télé. Pourtant tes tracks sont pas trop laid. Et là j'en ai marre d'écouter cette obstiné qui fait semblant de pas comprendre cette façon de me débrouiller. Et là je me bats sans dire un mot. Et je crois ce gars qui peut pas me voir dans ce biz de la musique. Remballe ton biz et ta logique. J'attends ce jour qui m'attend. Et là je laisse derrière moi tous ces gens qui croient qu'ils pensent à ma place. Qui croient qu'ils pensent à ma place. Qui aimeraient me voir à leur image. Mais là je défais mon arrimage pour un public qui capte de suite la démarche de mon scud musical. Sans m'attendre trop virage. Et là la vente se fait en live dans la rue. Sans compter toutes ces rencontres inattendues. Et ouais ces races qui n'attendent plus ces m'attendus qui n'existent pas. Et ouais mon pote qu'on le veuille ou pas. Nos destins de businessman se comprend pas. Nos destins dans la musique se comprend pas. Et je continue la musique pour la sentir quand tu veux pas. T'es mal sourire qui nargue pas. Je garde mon style qui m'attriste pas. Je dois vendre ma zig. Oh, soldat du bif. Bif, y'a trop de questions. De, y'a trop de barrages. De, je dois vendre ma zig. Oh, soldat du bif. Bif, y'a trop de questions. De, y'a trop de barrages. De, je dois vendre ma zig. Oh, soldat du bif. Bif, y'a trop de questions. De, y'a trop de barrages. De, dédicace à tous ces gens qui me prennent la tête. Oh, qui cherchent tout le temps la petite bête. Oh, ne cherchez pas, je suis pas des gouettes. Eh ouais, j'attends ni la victoire ni la défaite. Eh ouais, pour le moment, je suis hors compète. Eh ouais, j'ai pas le choix de vendre ma zig à la sauvette. Eh ouais, c'est RZ. Oh. Alors mon pote, quoi? Tu veux savoir quoi? Ah, ce que je pense de l'industrie de la musique? Bah, aucune critique à faire. Ouais, juste un constat, pour moi c'est pire que l'ambassade, mec. Dur d'avoir un visa pour un voyage d'affaires dans les bacs. Et encore à croire leur propre logique, bah ça va pas avec mon style de rap music, mec. Ah ouais, j'allais oublier la promo, les radios. Tu vois, il faut convaincre la régie jusqu'au centre de modulation pour que mon son enfin finisse dans les oreilles de la population. Bon, moi j'en ai marre de croiser que des intermédiaires. Je vis pas dans la divination de savoir qui est qui ou qui fait je sais pas quoi. Et voilà, mec, bon, moi j'attends pas je sais pas qui, tu vois le truc? Non, tu vois pas, ben voilà, qui viennent pas m'emmerder à chaque fois dès que je sors un scud avec les moyens du bord, que je me gave ou que je me ruine avec les moyens du bord, ou que je perde ou que je gagne avec les moyens du bord. Ben voilà, mec, on est bien d'accord? Ok, let's go.